Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 2 mars 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 3 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, chers auditeurs, c'est Martin Pelletier pour le Libre Journal de la Liberté à surveiller. Ça tombe bien parce que je reçois ce soir, en principe, Georges Feltin Tracol, auteur d'un livre qui s'appelle précisément « En liberté surveillée ». Alors, Georges Feltin Tracol termine son opus par un chapitre qui s'intitule « Que faire ?». Que faire? Ben, je dirais, la première chose à faire dans le combat où nous nous situons, eh bien, c'est d'arriver à l'heure parce que il est déjà 6h01 et mon invité est pas là, ce qui va nous donner l'occasion d'être un petit peu entre nous et je vais commencer à faire l'émission tout seul. Voilà. Alors, En liberté surveillée a été rédigé l'an dernier, mais depuis, il y a pas mal d'événements qui ont remis le thème en pleine actualité, et notamment aujourd'hui, l'état d'urgence que François Hollande et ses ministres prolongent ad vitam aeternam, sans d'ailleurs qu'on en connaisse exactement la raison, l'état d'urgence précisément qui permet à l'exécutif et d'ailleurs aussi au pouvoir judiciaire de prendre, des libertés avec notre liberté. Mais cela dit, je ne crois pas que l'état d'urgence soit la chose la plus dangereuse pour nos libertés, parce que c'est précisément le thème du livre dont nous allons parler, c'est de montrer qu'en quelque sorte nous vivons dans un état d'urgence permanent, dans un coup d'état permanent qui réduit nos libertés, de sorte que nous sommes tombés, pour ainsi dire, dans une société de surveillance. Alors, j'hésitais avant la non-arrivée de mon invité, j'hésitais entre voir les choses par petites questions concrètes et pratiques ou au contraire essayer de classer les atteintes à nos libertés et de faire une réflexion sur cette société de surveillance qui nous menace et qui est déjà en train de s'installer. Ben, je crois qu'on va essayer de faire les deux en même temps et peut-être au fil des chapitres simplement de ce livre. Le premier chapitre est consacré, enfin, part de l'affaire Dieudonné. Je pense personnellement que l'affaire Dieudonné d'abord était un peu ancienne et puis ensuite il y a des choses dont il ne faut pas peut-être parler en permanence parce que c'est une des topics de notre société de surveillance, c'est qu'il ne faut pas en parler. Et moi, personnellement, je suis très, très obéissant. Et je pense que j'ai intérêt à l'être parce que ce n'est pas la peine de soumettre Radio Courtoisie à d'éventuelles représailles. Donc nous allons tout de suite passer au deuxième chapitre qui est beaucoup plus intéressant et qui s'intéresse aux prémices de l'idéologie sécuritaire et à la mise en place de cette idéologie. Alors, je lis par exemple, parce que c'est le mieux en l'absence de l'auteur et de lire son texte, je lis en page 37 le texte suivant. « Toute une pratique s'est développée afin d'empêcher toute dissidence réelle. Outre le pistage vidéo-électronique des personnes, les mouvements préventifs d'une contestation véritable débutent par une ambiance anxiogène diffusée par les médias. Il est évident que le pouvoir encourage le désordre et le subventionne même. C'est-à-dire que, en fait, c'est une analyse de la délinquance qu'on laisse se développer dans les banlieues, qu'on laisse se développer à l'occasion d'un match de football, qu'on laisse se développer à toute occasion. Et la thèse de Georges Feltin Fratracol et des gens dont il se nourrit, c'est que qu'il y a en France une véritable préférence pour la délinquance. Autant les préfets, il leur arrive d'interdire, par exemple, une réunion de nationalistes ou même dans le temps une réunion du Front National sous prétexte de qu'il y aurait eu un risque à l'ordre public, autant, au contraire, l'ordre public n'est pas assuré et n'est volontairement pas assuré dans des tas de cas, comme notamment les festivités spontanées sur les Champs-Élysées à l'issue d'un match de football, par exemple, où on s'aperçoit qu'il peut y avoir des tas de voitures brûlées, des vitrines cassées. Eh bien, la thèse, c'est que cette délinquance est sinon provoquée, du moins volontairement tolérée, de façon à créer dans le public une demande de protection, une angoisse réelle, et non pas un sentiment, un fantasme sécuritaire, mais une angoisse réelle qui fait que il y a une demande de défense, de protection de la part de l'État, et qui vont cette demande va à son tour, comment dirais-je, justifier la surveillance que l'État va mettre en place. L'État, d'ailleurs, c'est une question que j'allais poser à Georges Feltin Tracol. Est-ce qu'on doit parler de surveillance d'État ou est-ce qu'on doit parler de surveillance du système ? À cette question que je viens de me poser, je me réponds moi-même avec beaucoup de plaisir et que je préférerais parler de surveillance du système. Parce que en dehors de la surveillance policière, de la surveillance par les écoutes, de la surveillance par la vidéosurveillance, de toutes ces surveillances, des forces de l'ordre et du pouvoir exécutif. Dans le cadre, par exemple, de l'état d'urgence, eh bien, il y a aussi une surveillance. Naturellement, je ne parle même pas de la répression par le biais du système judiciaire. Non, mais il y a une surveillance qui dépasse largement le cadre de l'État, et cette surveillance, c'est une surveillance qu'on voit apparaître à travers les informations et les commentaires des médias, donc surveillance des médias, et puis une surveillance morale, que je dirais donnée par les autorités morales, qu'elles puissent être, normalement constituées, c'est-à-dire les églises, qu'elles soient protestantes, orthodoxes, catholiques ou autres, le rabbinat, la surveillance également des imams, ou d'ailleurs des sociétés de pensée du type de la maçonnerie. Et puis vous avez aussi la surveillance qu'on voit s'exercer dans le sport ou dans le showbiz. Il y a un exemple très, très, très récent concernant la surveillance dans le sport et par le sport, c'est l'exemple de Serge Aurier, cet arrière du Paris Saint-Germain, du club de football Paris Saint-Germain, qui a traité son entraîneur, Laurent Blanc, de fiotte. Et immédiatement, tout le système de surveillance sportif lui est tombé sur le dos, à commencer par le président du club du Paris Saint-Germain. Il a été mis à pied de façon conservatoire, en attendant un jugement, en quelque sorte, de son club, et parce qu'il y a interdiction de prononcer certains mots qui sont évidemment homophobe dans la terminologie actuelle, et donc il y a une répression immédiate après surveillance de ce joueur, mais c'est un exemple parmi cent autres. Alors, je fais une première pause pour vous rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, que je dois recevoir ou je devrais recevoir, je ne sais pas, Georges Feltin-Tracol, auteur du livre En liberté surveillée, qui n'est toujours pas parmi nous, mais ça me donne l'occasion de faire un certain nombre d'annonces. Alors, d'abord, une conférence de l'abbé de Tanoirne sur le thème « Pourquoi et comment la foi, c'est la liberté » qui aura lieu mardi 8 mars, 20h15, au centre Saint-Paul, 2 rue Saint-Joseph, 75002, Paris. Alors, deux annonces concernant les chrétiens d'Orient et venues de l'association SOS Chrétiens d'Orient. La première concerne une tournée donnée par la chorale syrienne Cœur Joie, qui va se dérouler en France du 12 au 26 mars. Il y aura 10 concerts. Alors, le premier de ces concerts aura lieu le 12 mars à Paris, en l'église Notre-Dame-des-Champs, le 13 à Lyon, à la basilique de Fourvière, le 15 à Bolène, dans la collégiale Saint-Martin, le 16 à Saint-Leury-sur-Mer, au Théâtre Galil, le 18 à Béziers, en la cathédrale Saint-Nazaire, le 19 à Toulouse, à Logrin, le 20 en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, pour la messe des Rameaux, le 21 à Lourdes, en la basilique du Rosaire, le 24 à Paris, en l'église du Cœur Eucharistique de Jésus pour la messe du Jeudi Saint, enfin le 25 à la mairie du 7e arrondissement de Paris et en l'église Saint-Julien le Pauvre. Voilà, c'est pour les bonnes œuvres donc, de SOS Chrétiens d'Orient au profit de nos frères malheureusement persécutés de SOS, de Chrétiens d'Orient. Alors, un deuxième événement organisé par SOS Chrétiens d'Orient, c'est le semi-marathon de Paris, le 6 mars 2016, où, comment dirais-je, SOS Chrétiens d'Orient nous demande de devenir bénévole au profit toujours des Chrétiens d'Orient. Alors, d'autres annonces. Dimanche 6 mars, pèlerinage à la Sainte-Tinique d'Argenteuil en préparation de l'ostension à Pâques 2016. C'est donc le rendez-vous est donné à 15h, le passage devant la gare d'Argenteuil, pour ceux qui viennent de Saint-Lazare, de Paris, par la gare Saint-Lazare. Autre annonce, une conférence donnée le samedi 9 avril 2016 à 10h. Sur le thème « Face à l'assaut migratoire, le réveil de la conscience européenne ». C'est donné par l'Institut Iliade.com. Vous devez, pour vous inscrire, s'inscrire au https://www.weezent.com, colloque-institut-iliade-2016. Encore une annonce, SOS tout petit, le samedi 5 mars 2016, congrès à Paris dans les locaux de l'ASIEM, 6 rue Albert de Laparent, 75007 Paris, métro Ségur, sur le thème de la vie prise à sa source. Alors, il y aura des interventions du docteur Philippe Piloquet, de notre ami Jeanne Smith, de notre ami Jean-Pierre Mogendre, de Béatrice Bourges et du docteur Xavier Dor. Donc, c'est SOS tout petit, samedi 5 mars 2016, dans les locaux de l'ASIEM, 6 rue Albert de Laparent, 75007 Paris. Dernière annonce pour l'instant, le premier forum européen 1 de nous, le 12 mars 2016 à Paris. Alors, ce forum est naturellement pour la préservation de la vie des bébés dans le ventre de leur maman. Le programme a lieu de la journée va de 10h30 à 22h. Alors ça se passe à la salle Gaveau, 45 47 rue de la Boétie à Paris 8e. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Je vous donne la façon de s'inscrire. www.undenous.fr et pour les contacter, c'est contact@undenous.fr. Donc, il s'agit du premier forum européen de Un de nous. Alors, avant de reprendre l'interview imaginaire de notre ami Georges Feltin Tracol, je crois qu'on va passer un tout petit peu de musique pour me reposer la voix. Oui, je vous rappelle que nous sommes donc sur Radio Courtoisie, le journal de la liberté surveillée, et je devais recevoir Georges Feltin Tracol, l'auteur du livre « En liberté surveillée ». À défaut de sa présence, on peut parler de certains passages de son livre, et notamment du passage où il analyse la façon dont, depuis plus d'une centaine d'années, on a progressivement retiré aux Français le droit et l'habitude de porter des armes, ce qui était tout à fait encore accepté au début des années 1900. Maintenant, il faut, vous le savez, un permis, et ce qui est frappant, si on regarde les choses sur l'histoire longue, c'est que le fait de ne pas pouvoir porter des armes était réservé dans le temps aux esclaves, d'une part, ou dans les sociétés musulmanes, par exemple, aux protégés, aux dhimmi, aux populations de rang inférieur, comme l'étaient les juifs ou les chrétiens. Donc, aujourd'hui, en supprimant les armes dans les familles, en empêchant les hommes de porter les armes, eh bien, on tente à supprimer le réflexe de se défendre soi-même. Et donc, on rend les populations beaucoup plus fragiles et beaucoup plus, en proie aux agresseurs éventuels. On aura d'ailleurs remarqué qu'une des obsessions du gouvernement Obama aux États-Unis depuis le début de ses mandats est de s'en prendre à la diffusion ordinaire des armes, parce que les États-Unis ne sont pas aussi avancés dans le processus de désarmement que nous le sommes. Alors évidemment, ça se fait souvent sous le prétexte d'une plus grande paix dans la société, du refus de l'établissement de l'état de droit et du refus de la vendetta, mais ce sont, on le sait, ce sont des prétextes pour en fait arriver à annihiler les défenses. Et ce qui se passe, je dirais, extérieurement dans le refus de laisser des armes concrètes, des armes, des véritables armes, objets aux populations, eh bien, il y a une transposition du phénomène dans le domaine mental où on désarme également les populations face soit aux envahisseurs, soit aux idéologies qui peuvent les manipuler. Louis Powells, qui était un grand journaliste et qui a dirigé le Figaro magazine du temps où c'était un organe de combat, et Louis Powells avait fort bien utilisé le terme de sida mental. Sida mental, ça veut dire l'effondrement, il n'y a pas d'autre mot, du système immunitaire mental de l'Occident. C'est-à-dire que nous ne savons plus nous défendre intellectuellement contre les attaques extérieures, et nous n'avons plus d'anticorps, nous formons plus d'anticorps pour contre-attaquer les virus mentaux. Alors, à partir de là, Georges Fétin-Tracol fait une longue recension des méthodes du système pour à la fois rendre les citoyens dépendants de lui, pour annihiler leur mémoire et leur identité, et ensuite pour les dresser avec, si besoin, toute une phase répressive. Je viens de recevoir aujourd'hui même un communiqué de presse qui est fort intéressant, parce qu'il montre justement dans le domaine de la psychiatrie, et comment l'État et ses pseudopodes prennent des mesures tout à fait abusives pour réprimer et exercer un pouvoir abusif sur les citoyens. Je vous lis ce communiqué qui s'intitule « Plus de 6000 personnes internées abusivement en psychiatrie en 2015 ». Plus de 6000 personnes internées abusivement en psychiatrie en 2015. Alors, la direction des affaires civiles du ministère de la Justice a communiqué les statistiques des contrôles judiciaires des mesures d'hospitalisation psychiatrique sans consentement pour 2015 et 2014. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme, CCDH, association dénonçant activement les hospitalisation abusive en psychiatrie depuis plus de 40 ans en France, alerte les pouvoirs publics sur les chiffres alarmants rendus par le ministère de la Justice. Oui, alors c'est très bien d'alerter les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics sont précisément responsables de la chose. En effet, selon ces statistiques officielles, le nombre total des saisines du juge des libertés et de la détention, en application de la loi de l'homme, s'élève à 76 676 en 2015, ce qui laisse augurer une nette hausse des hospitalisations sous contrainte en France. Sur le total, des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en 2015, soit 71 538, 6376 décisions de mal levée ont été rendues, ce qui signifie bien que plus de 6000 personnes hospitalisées sous contrainte en psychiatrie abusivement en 2015. Bon, c'est un chiffre énorme. Et ce qui montre quoi ? C'est ce qui montre que l'État a une conception extrêmement légère des libertés, puisque là, il s'agit de gens qui ne devraient pas aller dans des institutions psychiatriques et qui sont contraints d'y aller. Alors, je vous lis quelques réactions de lecteurs. Remerciements à Monsieur Pelletier qui est excellent, c'est bien gentil, mais il faut dire que j'ai un invité extraordinaire qui me laisse dire tout ce que je veux. Et si j'étais Henri de Lesquin, j'adorerais ça. Et puis ensuite, qui a écrit un bouquin fort intéressant. Alors, qu'est-ce que je dis d'autre ? Il faut absolument que vos invités respectent les auditeurs de Radio Pourquoi-Zi en étant ponctuels, comme vous avez raison, monsieur, et pas seulement d'ailleurs les auditeurs, mais aussi les patrons d'émission, parce que c'est tout de même un peu fort de café. Je vous félicite pour votre livre « 20 bonnes raisons d'être anti-américain ». Il ne faut pas confondre port et détention d'armes. C'est tout à fait exact. Cet auditeur a raison de m'inciter à la précision. Donc, je tâcherai d'être plus précis. Ça me fait penser à un film qui est pas mal. Vous avez peut-être vu les enfants, les garçons et Guillaume à table. Où le héros, il est au service militaire, il est devant le psychiatre précisément, et il a une crise de bégaiement qui dure 7 minutes. C'est un très grand morceau de cinéma. Reprenons propos sur la liberté surveillée. Je vous rappelle donc que vous êtes sur le libre journal de la liberté surveillée sur Radio Pourquoi-Zi et que mon invité est Georges Feltin-Tracol pour son livre « En liberté surveillée » tout simplement au bouquin de Synthèse Nationale. Alors, un des intérêts de ce livre est à propos des atteintes à la liberté dont sont victimes les gens non conformes, disons, vous et moi en quelque sorte, et en particulier les militants nationaux ou les militants aussi de la Manif pour tous. Il fait une longue litanie des deux poids, deux mesures, d'une part, et de l'autre côté, des dénis de justice et des abus de pouvoir manifestes dont à la fois le pouvoir policier et le pouvoir judiciaire se rendent coupables. Il nous donne quelques très bonnes... comment dirais-je, très, très bons exemples d'attaques contre les librairies ou les librairies nationales, en quelque sorte, les librairies dites d'extrême droite, parce qu'elles sont simplement... parce qu'elles véhiculent des idées dissidentes. Il parle très bien aussi des interdictions de salles pour les mouvements qui ne pensent pas bien. À propos des librairies, il donne des précisions sur les innombrables attaques dont mon regretté prédécesseur Emmanuel Ratier avait été la victime. Sa librairie a été incendiée. c'est non seulement les livres, mais c'est son matériel informatique a été endommagé. Il y avait une haine particulière du système pour Emmanuel Ratier, parce que Emmanuel Ratier était quelqu'un qui avait une grande précision dans sa documentation, ce qui faisait qu'on pouvait rarement le mettre en défaut, qu'il n'était donc pas condamné, et qu'il faisait passer dans le grand public énormément d'informations de grande valeur. C'était quelqu'un qui était constamment pillé par le système et jamais cité. Et c'est la raison pour laquelle il était tant haï. Alors, justement, notre ami Georges Feltin Tracol montre comment les attaques et les incendies, les mauvais traitements dont les militants nationaux sont les victimes ne sont jamais poursuivis comme elles le devraient, soit que l'enquête ne soit même pas faite et que les auteurs des méfaits ne soient pas appréhendés, soit que quand dans les rares cas où ils sont appréhendés, eh bien les sanctions sont tout à fait risibles. D'autres commentaires des auditeurs. Comment se fait-il qu'aucun parti politique, et notamment le Front National, ne présente pas une proposition de loi permettant à tout citoyen de détenir une arme à son domicile pour se défendre en cas d'agression? Mais écoutez, il faut le demander au Front National. Les autres partis politiques, je ne les vois pas faire de telles propositions. Il est impensable que, évidemment, que le PS ou le Front de Gauche le fasse. Et quant aux Républicains et peut-être le MoDem de François Bayrou, c'est peut-être un faux mou. Mais toute plaisanterie mise à part, il n'est pas question que ça soit possible en dehors du Front National. Et quant au Front National actuellement, il faut demander à Marine Le Pen et à Florian Philippot. Je ne crois pas vraiment que ce soit la tendance actuelle. Deux autres réactions d'auditeurs juste avant une autre pause musicale. Je vous les lis parce que ça fait toujours plaisir. Merci à M. Pelletier de sa liberté d'esprit, c'est rafraîchissant. Et même seul, vous êtes excellent. Continuez, M. Pelletier. Ben continuez, chers auditeurs, à dire des choses aussi agréables. Rebonsoir, c'est toujours le Libre Journal de la Liberté surveillé avec Martin Pelletier et mon absence d'invité, Georges Feltin Tracol. Alors, il s'est penché avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de détails, mais on va aller passer vite tout de même, parce que sinon on n'arrivera pas au bout de l'émission, avec beaucoup de détails sur une des techniques qui est utilisée par nos ennemis. Il faut bien appeler ça des ennemis, enfin, parce que c'est vraiment une façon d'empêcher la liberté de parole et d'expression par nos ennemis contre tous les petits groupes de dissidents qui, on le sait, n'ont pas d'argent, qui ont peu de militants, qui ont donc besoin, qui n'ont évidemment aucun accès aux grands médias, et donc qui ont besoin de parler, qui ont besoin de faire des communications, qui ont besoin de faire des conférences, qui ont donc besoin de locaux. Eh bien, le système est très simple, c'est l'attaque par tous les moyens de ces locaux. Alors, soit on les attaque et on les brûle ou on casse les vitrines, soit on essaye de faire intervenir la justice, parce que la justice est, dans le processus révolutionnaire dont l'ensemble de l'Occident, mais en particulier la France, est aujourd'hui victime, la justice est un puissant adjuvant de la révolution. Et je donne un exemple que vous connaissez peut-être, c'est l'exemple du crabe tambour. C'était un café, un local bar dans le 15e arrondissement, qui a été attaqué, non pas par des antifas, mais par Anne Hidalgo et le maire UMP de l'arrondissement pour le faire disparaître simplement. Là, c'est un bel exemple du MPS tout de même. Il a été donc, je cite, traîné en justice avec constitution de partie civile par le propriétaire des lieux qui était agi par ses grandes consciences, le propriétaire de lieu ainsi que l'agence immobilière, parce que voilà, qui pourtant en général l'agence immobilière n'a pas intérêt à faire sortir d'un local quelqu'un qui règle les loyers. Le propriétaire souhaitait en effet entamer une résiliation judiciaire du bail sans aucun motif apparent. Même l'huissier envoyé sur place n'a pu que reconnaître que le dossier était vide. Ça n'a pas empêché la justice, et cela malgré un vice de procédure, d'exiger la fermeture du local sans suspension d'appel. Bon, après, il y a eu des arrangements, mais c'est pour dire à quel point le droit est complètement piétiné, d'abord par ceux qui se réclament de l'état de droit, et ensuite la justice est instrumentalisée au profit de la révolution et au profit de la répression de toute pensée et de toute parole non conforme. C'est la chasse aux dissidents qui rappelle évidemment ce qui se passait en Union soviétique jusqu'aux années 90, ce qui fait d'ailleurs dire à notre ami Georges Feltin Tracol que le totalitarisme actuel, qui est d'essence et d'origine anglo-saxonne, justement, avec cette utilisation du droit, est aussi grave que les totalitarismes qu'on continue à clouer au pilori, alors que l'un a cessé de nuire depuis 70 ans et que l'autre, heureusement, est un peu moins vif qu'il y a 70 ans, encore que il reste très présent en Asie, directement présent, et que il continue à faire des ravages sous une forme larvée chez nous, parce que encore une fois, les esprits occidentaux restent très très marqués par 70 ans de soviétisme. D'accord. Alors, après cette affaire du crabe tambour, Georges Feltin Tracol essaie de tirer des leçons de ces attaques contre les idées, la pensée et les paroles ou les médias non conformes. Et il se trouve que Il cite un article assez intéressant de deux journalistes, une tribune exactement, de deux journalistes et d'ailleurs écrivains ou écrivailleurs connus, Nicolas Lebourg et Stéphane François, qui ont fait pas mal de bouquins historiques ou para-historiques ou pseudo-historiques sur ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême droite. Et ces deux auteurs, en fait, ces deux auteurs appellent de leur vœu la constitution d'un appareil, encore une fois, de surveillance et d'un appareil de répression sur le modèle allemand. Et je les cite, cela passe peut-être par un dispositif voué à ce fait, la répression des pensées non conformes, comme cela existe en Allemagne, et non sans penser également à l'exemple du pôle financier. L'instauration d'une structure permanente de veille et saisine du juge quant aux infractions, aux principes fondamentaux de la République. Alors, quand il y a ce type d'infraction, il préconise que la République doit faire savoir sa fermeté, par l'instauration de peines planchers, de privation de droits civiques, pour ceux qui menacent son contrat social, que ce soit pour incitation à la haine, violence, discrimination en raison de l'ethnie, la confession, le genre, la nationalité, l'orientation sexuelle ou pour détournement de fonds publics. Alors là, le détournement de fonds publics, c'est merveilleux parce que c'est vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est dans les vieux jeux, dans les journaux, on avait comme ça, c'est chercher l'intrus. Parce que vous avez, je relis, incitation à la haine, violence, discrimination en raison de l'ethnie, la confession, le genre, la nationalité, l'orientation sexuelle ou détournement de son fonds public. Donc en fait, ce détournement de fonds public n'est là que comme un petit cache-sexe de tout le reste, parce que ce qui est important, c'est pour ces messieurs de réprimer et d'empêcher, de réprimer fortement et d'étouffer dans l'œuf toute parole qui pourrait contrevenir si peu que ce soit ou donner l'impression de contrevenir si peu que ce soit aux lois scélérates Guesso et Pleven. Donc là, vous avez vraiment un appel de deux journalistes qui écrivent dans un grand quotidien de gauche, qui sont normalement attachés à l'état de droit, attachés à la liberté d'expression, et qui donnent et qui en appellent à un système hyper répressif, comme on en trouve en Allemagne. Il faut dire que l'Allemagne, aujourd'hui, il me semble, avec d'abord sa natalité pas en berne, pas en chute, en effondrement total. L'Allemagne, avec son suivisme total aussi vis-à-vis des États-Unis. L'Allemagne, avec son arsenal répressif, mais 100 fois plus fort que la loi Guesso. L'Allemagne, avec tout son, je dirais, toute sa propagande qui dure depuis le questionnaire de Ernst von Salomon, qui dure depuis maintenant 71 ans, l'Allemagne préfigure ce que peut devenir l'ensemble de l'Europe, et singulièrement la France, c'est-à-dire à la fois une mort physique et le remplacement forcé, parce que l'Allemagne cessera bientôt, faute d'Allemands, comme le combat cesse, faute de combattants, et bien ça peut nous arriver aussi, et nous serons évidemment remplacés de cette façon. Et puis, la répression de toute liberté qui revient à nous empêcher de nous défendre. On parlait tout à l'heure du désarmement moral. Eh bien, c'est ça, c'est le sida, ça fait partie du sida mental qui nous empêche de nous défendre et donc d'arriver à justement enrayer le processus à la fois de décadence et de grand remplacement. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour l'auditeur qui doit commencer à trouver ma voix un peu fatigante, et moi j'ai la voix un peu fatiguée, c'est que Georges Feltrin Tracol eh bien, semble devoir persister dans son retard, puisqu'il est déjà 18h45. Mais grâce à Dieu, oui, c'est grâce à Dieu, j'ai un de mes invités au club de la presse de 19h25 qui est en avance. Eh bien, ça tombe bien, parce que... Bonsoir, Jérôme Bourbon. Bonsoir. Eh bien, je vais vous demander, on ne va pas trop déflorer nos sujets de tout à l'heure, mais je vais vous demander tout de même d'en déflorer un, qui est la grande journée de Rivarol qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 9 avril. 9 avril. Alors je vous laisse en parler. Volontiers. Écoutez, je veux dire que nous serions très heureux que les auditeurs, tous les auditeurs de Radio Courtoisie puissent venir à ce grand banquet que nous organisons donc le samedi 9 avril 2016 à midi à Paris, avec comme invité d'honneur Jean-Marie Le Pen, Henri de Lesquin, président de Radio Courtoisie du Carrefour de l'Horloge. Que du beau linge. Prendra la parole, vous-même, en tant que collaborateur talentueux et régulier de Rivarol. Et toute la mouvance nationale, nationaliste, patriotique sera là. Roger Olyndre, dont on connaît le talent pour enflammer les salles, le dynamisme, le courage. Pierre Sidos, Alain Escada, Yvan Benedetti, Thibaut de Chassé, Karl Lang, Hubert Massol, président de l'Association de défense de la du Marshal Pétain, Pierre Vial, Hervé Rissen, écrivain nationaliste, tous les collaborateurs et rédacteurs de Rivarol et d'Écrit de Paris, la talentueuse Char, Léon Camus, Michel Fromentou, François-Xavier Rochette, Scipion de Salm, Robert Spiller, Nicolas Tandler, Stepinac et tant d'autres. Il y aura des surprises. Et donc, comment faire pour s'inscrire si on veut s'inscrire à ce grand moment d'amitié française qui est là pour commémorer, célébrer 65 ans de Rivarol et 70 ans d'Écrit de Paris? Eh bien, c'est simple. Si l'on a internet et on peut aller sur notre site www.rivarol.com et payer par PayPal 40 euros par personne, par couvert, ou alors si l'on préfère le système classique du chèque, eh bien on peut nous envoyer un chèque de 40 euros par personne également à l'ordre des amis de Rivarol à l'adresse suivante. Donc je laisse le temps de prendre de quoi écrire. Amis de Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Je répète, amis de Rivarol, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, 40 euros. Donc 40 euros à l'ordre des amis de Rivarol. Alors je dois dire que ce sera donc des tables rondes de 10 avec des présidents de table, de sorte que si vous arrivez à l'heure, à midi précise ou un petit peu avant, eh bien vous pourrez choisir la personnalité ou le collaborateur que vous êtes le plus désireux de rencontrer, avec lequel vous souhaitez échanger. Alors pour des raisons de prudence, de sécurité, nous ne donnons pas le lieu tout de suite, nous le donnons dès que nous aurons reçu votre règlement. C'est ce qu'on fait, ça marche très bien depuis maintenant plus d'un mois. Et donc, vous pouvez vous inscrire, vous allez jusqu'à la fin du mois de mars pour vous inscrire. Je crois que ce sera un grand moment. Il y aura d'ailleurs des surprises. Et je dois dire que comme en général, lorsque c'est un petit peu festif, on a tendance à manger, à boire davantage, rassurez-vous, le vin et l'eau seront à volonté. Et donc on a prévu, bien sûr, du champagne, des amuse-bouches chalets, une entrée, viande, garniture, salade, fromage, dessert, café et mini-hardise. Parce que c'est un repas français. Il faut quand même que les gens aient des choses. Si j'étais un peu espiègle, j'aurais peut-être pu ajouter de l'eau de Vichy, mais je n'aurais pas cette Châteldon devant vous, ou du Châteldon, l'eau qu'aimait beaucoup le président Pierre Laval. Mais en tout cas, nous souhaitons vraiment, même si vous n'êtes pas abonné à Rivarol, même si vous ne lisez pas régulièrement, même si vous pouvez éventuellement ne pas en partager la totalité des positions, de la ligne éditoriale ou politique, nous serons vraiment heureux de vous rencontrer, d'échanger. Jean-Marie Le Pen avec son épouse Jeannie, donc nous font l'honneur de présider cette journée. Le président Le Pen fera le discours de clôture en toute liberté, mais il y aura donc d'autres orateurs, je l'ai dit, évidemment Henri de Lesquin, évidemment Roger Olyndre, évidemment Pierre Sidos, et puis quelques autres surprises, mais là... par définition, comme ce sont des surprises, je préfère me taire. Mais je crois qu'on ne fait plus beaucoup de banquets, hélas, pour des raisons diverses dans notre famille de pensée. Et je crois que c'est important aussi parce que ça permet de cultiver l'amitié, la camaraderie. Après tout, le nationalisme, c'est aussi une amitié. C'est d'abord une doctrine, des idées, un idéal, un grand dessein. Mais c'est aussi une amitié, une camaraderie. Je crois que ces événements permettent de cultiver ces sentiments-là. Ça permet d'échanger aussi des points de vue. Il y aura aussi un certain nombre d'écrivains qui vient d'intellectuels qui donc viendront participer à ce banquet. Donc j'en redis une dernière fois, j'en donne encore quelques coordonnées pratiques. Donc grand banquet de Rivarol, samedi 9 avril 2016 à Paris, dans un lieu donc qu'on vous donnera très précisément. Il y a un métro, donc les gens qui n'ont pas de voiture, il y a un métro donc à proximité immédiate de cette salle. Il y a des parkings souterrains en dessous de l'hôtel et encore à proximité immédiate. Donc vous pouvez venir également pour ceux qui le désirent en voiture. Ça ne présente aucune difficulté. C'est de jour. Il y aura eu le changement d'heure en plus entre temps. Donc même des gens qui sont un petit peu âgés ou qui hésiteraient à prendre les transports en commun de nuit, il n'y a pas à voyager de nuit ou en soirée. Par conséquent, ça ne pose aucune difficulté de ce type. Donc 40 euros par personne, par couvert. Donc, dans un banquet que nous espérons convivial, copieux, chaleureux, politiquement incorrect, c'est certain. Donc, 40 euros, soit donc par PayPal sur notre site internet rivarol.com, soit 40 euros par chèque à l'ordre des Amis de Rivarol, 19 Avenue d'Italie, 75 013 Paris. Voilà. Merci Jérôme Bourbon. Je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie pour le Libre Journal de la Liberté Surveillée et que précisément Jérôme Bourbon vient de donner un exemple de ce qui est possible pour essayer de franchir le mur de silence, de surveillance et de répression de la société de surveillance. Alors, en l'absence de Georges Feltin-Tracol, j'aimerais qu'on continue avec vous Jérôme à parler de cette chose qui est très très grave, la société de surveillance. Et là, j'avais prévu qu'on arrive sur la question de la manif pour tous, dont Béatrice Bourges avait dit que c'est le printemps français, que c'était le printemps français, et notamment sur toutes les méthodes employées par le pouvoir, par Manuel Gaz et les médias, par les policiers et par les juges pour réprimer l'expression de ce formidable élan de liberté et de vérité qui a été la manif pour tous. Est-ce que vous avez des exemples justement de cette surveillance, de cette répression par l'appareil d'État et par tout le système avec ses médias? Eh bien, je crois en effet que la répression se renforce. On sait par exemple que la loi Guesso a été confirmée, sacralisée en quelque sorte par le Conseil constitutionnel le 8 janvier dernier, qui a d'ailleurs émis une distinction a priori assez étrange, puisque selon le Conseil constitutionnel, on peut contester le génocide arménien, on peut bien sûr, mais ça n'a jamais posé de problème, contester le génocide vendéen, on peut contester la traite négrière, mais on ne peut pas contester ou minorer d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, de manière explicite ou insidieuse, le génocide juif. Et donc, de ce point de vue-là, il y a là quand même quelque chose qui est quand même frappant. Et par ailleurs, moi j'avais ouvert il y a quelques mois un compte Twitter. Bon, j'avais beaucoup d'hésitations à le faire parce que nous sommes dans une culture de l'écrit. Rivarol, notre patron en quelque sorte, a écrit une défense de l'universalité de la langue française, et il me paraît que dans un tweet de 140 signes, certes on peut être percutant, mais on ne peut pas donner toutes les nuances de sa pensée, tous les linéaments d'une réflexion, et par conséquent présente quand même un certain nombre d'inconvénients. Mais enfin, bon, ça permet aussi d'aller peut-être vers un public plus jeune, plus réactif, et donc j'ai été amené à commenter l'actualité ou développer un certain nombre de points de vue. J'ai été amené à écrire des tweets. Bon, eh bien, j'ai plusieurs procès à cause de ces tweets qui me paraissaient pourtant pas particulièrement violents, mais pour incitation à la haine raciale ou contestation de crimes contre l'humanité, alors que rien n'était contesté, mais tout simplement parce que, eh bien, je m'étais interrogé, par exemple, sur le fait que, par exemple, Laurent Fabius, qui a été nommé par François Hollande à la tête du Conseil constitutionnel, bon, bah, il est certain qu'on sait le rôle qu'il a joué lorsqu'il était lorsqu'il était Premier ministre, d'abord vis-à-vis d'un certain nombre de milices sionistes qu'il avait protégées, de l'aveu même de sa première épouse, Françoise Castro. Mais par ailleurs, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, au moment des débats sur la loi Guesso, qui était une proposition de loi communiste, non pas un projet de loi, eh bien, il avait favorisé le, dans le calendrier parlementaire, dans ce qu'on appelle l'image parlementaire. Il avait mis tout son poids de Premier ministre en faveur de cette loi. Donc, en tant que président de l'Assemblée nationale, voilà. Et donc, on peut, et en plus, il n'a jamais caché, c'est son droit, certes, mais il n'a jamais caché, disons, son grand amour pour l'État d'Israël, l'État hébreu, et par conséquent, dont on sait que c'est le premier État au monde qui a fait voter et promulguer une loi dite antirévisionniste. Hein. La France n'est que le deuxième, et puis après, cette loi a essaimé dans toute une série de pays, en Europe et même au-delà de l'Europe, en Occident. Et donc, il faut bien comprendre que donc, Laurent Fabius est une personnalité très engagée dans la question, et par conséquent, le fait d'avoir choisi un tel personnage n'est pas neutre. Et donc, je m'étais interrogé sous la forme d'un tweet sur cette sur ce choix de François Hollande, et cela n'a pas plu au Parti Socialiste, qui a fait un communiqué officiel, alors même qu'on était en plein remaniement gouvernemental, qu'il y avait beaucoup d'autres questions importantes, dénonçant, je cite, l'antisémitisme du directeur de Rivarol, et SOS Racisme, dont on sait que depuis l'origine, il est une succursale du Parti Socialiste, puisque la plupart de ses présidents successifs ont été par la suite des dirigeants du Parti Socialiste, de Harlem Désir à Malek Bouti. Eh bien, donc SOS Racisme a dit qu'il allait déposer plainte contre votre serviteur. Voilà, donc avec vraiment des propos tout à fait excessif. Et donc, on voit très bien qu'il y a véritablement une police de la pensée, pour reprendre l'expression de la regrettée Annie Kriegel. Et cette police de la pensée, il me paraît qu'elle s'accroît de jour en jour. Alors, nous ne sommes pas encore, comme vous en parliez tout à l'heure, dans une situation à l'allemande ou à l'autrichienne, mais j'ai le sentiment quand même que plus les années passent, plus on se rapproche, hélas, de cette situation, et que plus on s'éloigne chronologiquement de la Seconde Guerre mondiale, plus moins il y a de liberté sur ces questions. Sur les questions annexes, la loi Pleven est aussi liberticide que la loi Guessot. Absolument. Elle est terrible, elles sont toutes Elle est plus ancienne, elle date de 1972. Et moi je me rappelle, j'avais des professeurs à l'université française, lorsque j'étais étudiant, qui se vantaient de ce qu'en France, au moins, on ne pouvait pas aller en prison pour ses idées, pour des convictions, quelles que fussent ses convictions. C'est faux. C'est faux depuis la loi Pleven, puisque la loi Pleven de 1972 punit pour incitation à la haine raciale, discrimination, jusqu'à un an de prison ferme. C'est exactement la même prévention, les mêmes peines que pour la loi Guessot, 45 000 euros d'amende et un an de prison ferme. Donc, en théorie, eh bien, on peut aller en prison pour avoir contrevenu à la loi Pleven, évidemment pour la loi Guessot. La loi Guessot, d'ailleurs, on a eu deux cas en France de publicistes qui ont été réellement incarcéré, emprisonné, embastillé pour l'avoir violé. C'est l'historien Vincent Renoir, qui d'ailleurs depuis s'est exilé en dehors de France, et c'est une forme d'exil politique, hein, en quelque sorte. Et puis l'ancien fondateur de la revue Révision, Alain Guyonnet, qui lui aussi avait fait deux fois six mois de prison ferme pour avoir contrevenu à cette même loi Guessot. Donc c'est dire que en France, on peut, pour des positions politiques ou historiques, eh bien, aller en prison. Et ce que beaucoup de gens, sans doute encore aujourd'hui, ignorent. Et il ne faut pas croire, surtout, que ça ne puisse pas s'étendre encore à d'autres domaines. Parce que je me souviens très bien, peut-être, non, vous étiez jeune, vous. Je me souviens très bien, dans les débats de 1972, les gaullistes disaient, en présentant leurs explications de sorte, ne nous inquiétons pas, c'est fait pour des abus manifestes de gens très méchants, de néo-nazis. Mais finalement, tout le monde est tombé sous le coup de la loi Pleven. Y compris parfois des gens de gauche. Et puis surtout, ça peut... Moi, notre ami Felton Tracol, qui n'est pas là, dans son bouquin, rappelle que une fois que la surveillance est lancée, elle s'applique absolument à tout. Et il raconte cette histoire de l'anglaise qui s'appelle Emma West, qui avait 34 ans, qui a simplement dit du mal mais qu'est-ce qu'elle avait dit du comme mal des immigrés ? Personne ne le sait, parce que les témoignages sont tous flagellants, dans un train, et ça a été, à Londres et partout, la chasse à l'homme, l'appel à la délation, une enquête policière, et finalement la condamnation. Demain, et on peut éventuellement penser que n'importe quelle pensée peut tomber sous le coup d'une loi un peu différente, mais analogue. Et je pense que ça, c'est vraiment impressionnant. Mais Christine Boutin, qui est pourtant un personnage relativement modéré, plutôt centriste, a été condamnée à plusieurs milliers d'euros d'amende. Elle a été condamnée lourdement à une amende et je crois aussi à des dommages et intérêts. Et donc, à l'heure actuelle, on ne pourrait même plus écrire la Bible, ou en tout cas, beaucoup de passages de la Bible seraient interdits ou condamnés parce que, n'étant pas dans le politiquement, le moralement et le religieusement correct. Et on voit très bien que en France actuellement et en Europe en général, on s'en prend à la fois à la filiation et à la souveraineté, à l'identité et à la souveraineté. Et c'est véritablement, je crois que c'était Bernard Anthony qui parlait parfois de génocide par persuasion. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs formes de génocide et on voit bien qu'il y a une forme de génocide par persuasion du peuple français et d'une manière générale, disons-le, des peuples européens. Parce qu'il est évident que par exemple, lorsque l'on a légalisé et favoriser par tous les moyens la contraception de masse, puis l'avortement de masse, il est certain que c'est une volonté de s'en prendre aux indigènes et à la survie, au renouvellement des populations. Et quand on ajoute à cela le fait de faire venir par centaines de milliers des étrangers extra-européens, alors même que nous avons des millions de chômeurs en France, que nous avons une dette publique et des déficits publics qui sont absolument considérables, plusieurs milliards d'euros qui ne cessent d'augmenter d'année en année, ce qui d'ailleurs à l'échelle de l'histoire est assez récent, ça a une quarantaine d'années. On a eu des budgets équilibrés jusqu'à il y a une quarantaine d'années, donc c'est bien dire que c'est quelque chose qui est récent. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté de tuer ce qui reste de la France et des Français. D'ailleurs, nous avons célébré ces derniers jours le centenaire du début de la guerre de Verdun. Quand on pense que des Français sont morts par dizaines, centaines de milliers pour sauvegarder quelques mètres carrés de terre, J'aimerais que vous n'en parliez pas trop, parce que c'est des questions que j'aimerais poser tout à l'heure, notamment quand Charlotte Dornelas sera là. Dites-moi, ce que vous disiez tout à l'heure sur la Bible, est très fort et très intéressant, et tombe complètement en résonance avec le livre, parce que justement, il y a aux États-Unis eu plusieurs tentatives d'interdiction de certains livres. Alors, il y en a qui sont assez connus, par exemple, certains Shakespeare sont attaqués, soit que pour toutes sortes de raisons. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais plus fortement, il a été demandé de supprimer la Bible, d'interdire la lecture de la Bible et à l'affichage et à la lecture, à cause des enseignements épouvantables qu'elle donne. C'est montrer quand même à quel point d'obscurantisme et de surveillance tatillonne est arrivée cette société. C'est vrai que d'un côté, elle n'est pas aussi violente, elle n'est pas aussi brutale physiquement que l'étaient d'autres totalitarismes. Mais intellectuellement, je crois qu'elle est arrivée à un point de surveillance plus élevé, me semble-t-il. Absolument. Et en plus, qui repose sur la délation, parce que ce sont ceux-là même qui se scandalisent à juste titre des lettres de dénonciation envoyées naguère pendant la guerre à la commandante Tour et qui pratiquent avec une parfaite bonne conscience, la délation à grande échelle. Moi, j'en ai été victime, par exemple, sur Twitter, et des gens se vantent de procéder à cette délation de manière publique, de manière explicite. Et rappelez-vous déjà ce qu'avait tenté et mis en œuvre l'association SOS Racisme, ce qu'on appelait le testing, qui consistait donc à mettre des caméras cachées à l'entrée d'un certain nombre d'établissements, hôteliers, de restaurants, de boîtes de nuit, nuit de dancing ou autre, pour voir si les patrons de ces établissements, eh bien, ne refusaient pas Je pense qu'on pourrait appeler ça le totalitarisme participatif. C'est plus du tout le modèle Big Brother, c'est le modèle Little Sister et Little Brother qui caftent. Ce qui est encore plus effrayant. Bien plus effrayant. Voilà. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a dans l'éducation nationale même un appel à la délation chez les jeunes élèves, parce qu'eux sont complètement formés par le système. Et donc, ils dénoncent leurs aînés qui sont coupables de sexisme, de machisme, et dans certains cas, de racisme et d'antisémitisme. Il y a vraiment tout un système extrêmement pervers qui est en train de se mettre en cause. Et évidemment, ça détruit complètement les libertés, puis ça donne, libre cours à des sentiments particulièrement malsains dans les relations humaines. Parce que la discrimination qui étant stigmatisée, c'est la liberté, c'est le choix. Lorsque je choisis une femme parmi un certain nombre d'autres, je discrimine les autres. Bon, tout dans la vie est discrimination, tout dans la vie est exclusion. Autrefois, on parlait un peu d'exclusion, mais le club de tennis, c'est exclusion. La propriété est exclusion. Bon, il faut savoir si ce sont des exclusions ou des discriminations légitimes ou illégitimes, justes ou injustes. Bon, mais le mariage, c'est une discrimination en quelque sorte, puisque on choisit, il faut que ce soit évidemment mutuel, eh bien, un homme et une femme parmi d'autres. Bon, donc il est évident que cela va contre la liberté et le bon sens. C'est la raison, et je crois que c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui qui atteint absolument des niveaux effrayants, puisque maintenant on crée finalement des consommateurs apatrides, asexués, sans racines, sans idéal. C'est quelque chose d'absolument effrayant. Sur cette triste constatation, je vais demander à Franck de nous mettre un tout petit peu de musique de façon à reposer les voix. Je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. Je devais recevoir Georges Feltin-Tracol pour son livre En liberté surveillée. Et j'ai le plaisir d'avoir Jérôme Bourbon, avec qui nous traitons un peu de l'actualité, déjà en primeur de la deuxième partie. On me dit que les éditoriaux de Jérôme Bourbon sont remarquables. Eh bien, je crois que ça lui fera plaisir. Je crois que ce qui caractérise peut-être le plus notre époque, c'est la peur. Il est normal d'avoir peur. La vie est faite de peur permanente. D'ailleurs, le Christ dans l'Évangile, à 63 reprises, dit « n'ayez pas peur ». Parce que la peur peut paralyser. Il y a une peur qui peut être légitime. La peur d'aller trop vite sur la route, de peur de tomber dans la chaussée. Il peut y avoir même une autocensure qui, dans certains cas, peut être légitime. Mais la peur, lorsqu'elle paralyse, lorsqu'elle est synonyme de lâcheté intellectuelle notamment, eh bien, évidemment, est tout à fait dramatique par ses conséquences. La personne par carriérisme qui a peur de perdre son emploi ou qui a peur de ne pas c'est monter le cas dans de les 60% échelons. 60% des journalistes, 70. Eh bien, il est évident que cette personne ne prendra pas de risque à être un peu politiquement incorrect. Bon, et je crois qu'on meurt de cette lâcheté. Et je disais par exemple que s'agissant du mariage pour tous, c'est sûr qu'il y a eu un élan qui a fait plaisir à tous. Et dans d'autres pays d'Europe, il n'y a pas eu cet élan. Je pense par exemple en Grande-Bretagne. Ou là où le mariage homosexuel, avec tous les guillemets nécessaires à mariage, eh bien, est passé comme une lettre à la poste. Bon. Donc, de ce point de vue-là, ça a été quelque chose d'un peu rassérénant, de voir ça d'un peu rassurant. Pour autant, je crois qu'il faut quand même voir les choses en face. La loi a été votée, promulguée, elle est appliquée, et que même un certain nombre d'édiles ou de politiques qui avaient pris position contre, parfois d'ailleurs de manière tout à fait explicite, publique, claire, eh bien, l'ont impliquée dans leur commune. L'ont appliqué dans leur commune. Par conséquent... Il faut voir les dernières déclarations de Bruno Le Maire, qui se prétend de droite et qui... Enfin, je ne peux même pas les citer, il est grossier, mais il a quand même dit croire qu'on pourrait revenir sur la loi Taubira, c'était une sottise noire. Enfin, il n'a pas utilisé le mot sottise. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe du cliquet, oui. Qui veut que... Lorsque la gauche a mis en œuvre une réforme, la droite ou ce qui en tient lieu, eh bien, ne se donne pas la possibilité ou n'a pas le courage de censurer cette loi, de l'abroger et d'en faire une autre. Et c'est vrai dans tous les domaines. Par exemple, rappelons-nous que lorsque Jacques Chirac, en 1986, est arrivé aux responsabilités, était nommé Premier ministre par François Mitterrand, à son programme inspiré du Club de l'Horloge et du Front National, eh bien, il avait prévu une réforme du Code de la Nationalité qui devait reposer sur le droit du sang. Et finalement, ça n'a jamais été fait parce qu'il y a eu des manifestations par rapport à une réforme de l'université où il s'agissait d'introduire une question, un petit peu de sélection. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment à cause de ça ou c'était le prétexte? Parce que Jacques Chirac, dès le début, était, à mon avis, avait décidé de donner la chose à la commission Barcelon. S'agissant de Jacques Chirac lui-même, c'est certain, c'est fondamentalement un homme de gauche, et de ce point de vue-là, Juppé, c'est la même chose. Oui. Et donc, savoir que, malheureusement, l'hypothèse la plus probable, hélas, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est allé à Juppé pendant 5 ans, voire 10 ans, en tout cas au moins 5 ans, à partir de 2017, est absolument effrayant, parce que je pense quand même Juppé sera encore pire que Hollande, parce qu'il fera la même politique, mais Hollande, je ne le vois pas comme un homme foncièrement haineux. Alors que Juppé a tout à fait la morgue du technocrate, et haineux contre la vraie droite, si vous voulez. Donc je pense qu'il sera même pire. Bon. Et donc, Chirac le soutient, l'a toujours soutenu, et donc c'est vraiment un profil, disons, radical socialiste, tout à fait effrayant. Donc c'est sûr que Chirac a été, je pense d'ailleurs qu'il a été, ce que dit à juste titre Jean-Marie Le Pen, je pense que Jacques Chirac a été le plus nocif de tous les présidents de la Ve République, tous l'ont été, hein, il faut bien l'avouer, nocif, mais disons que de tous, je crois que c'est à lui qu'on peut donner le pompon, et non seulement comme président, mais déjà comme Premier ministre, puisque déjà sous Giscard, on lui doit le regroupement familial, on lui doit la loi sur l'avortement, on lui doit la taxe professionnelle, qui a été dévastatrice pour les entreprises, les commerces, et... sous Mitterrand, la trahison de toutes les promesses électorales. Absolument, Maastricht, c'est quand même c'est à cause de lui que Maastricht est passé, parce qu'il a mis tout son poids dans la balance... C'était quand même la fin de la souveraineté de la France. Alors que, comme je le dis souvent, avec le franc, nous étions le seul pays au monde dont la monnaie portait le nom et dont le nom était une vertu. Franc qui veut dire libre. Et ça faisait des siècles qu'on avait le franc. Bon. Et une fois qu'il a été président, il a supprimé le service militaire. Il a était tout à fait. Il a augmenté considérablement les prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales, et il a été vraiment nocif, notamment par sa haine vraiment tangible, rabique du Front National et de toute la vraie droite, y compris de Villiers. Il détestait même Philippe de Villiers, pourtant plus modéré. Donc, c'est dire que Jacques Chirac était très nocif. Enfin, je crois que ce que je disais au départ, pour revenir au début de mon propos, c'est qu'il y a un principe du cliquet qui fait que lorsque la gauche met en œuvre une réforme, la fait voter, la promulgue, l'applique, eh bien, la droite ou ce qui en tient lieu, eh bien, la maintient. Et c'est quelque chose qui est systématique depuis toute une série de décennies maintenant et qui s'accroît. Donc, évidemment, le mariage homosexuel, le mariage pour tous, en est un exemple parmi d'autres. Alors que, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui révolutionne véritablement le droit de la famille, de la filiation et qui ouvre la porte, évidemment, à la PMA, procréation médicalement assistée, à la GPA, gestation pour autrui, mais qui, quand on regarde l'histoire sur le temps long, et je crois que c'est toujours ce qu'il faut faire, je crois que ça s'inscrit dans la révolution du droit de la famille qui a commencé avec l'introduction du divorce dans les années 1880, la loi Naquet, oui. Et puis après donc la loi Neuwirth en 1967, légalisant la pilule contraceptive, 1975 la loi Veil sur l'avortement. Et le divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel, et puis aussi dans les années 70 et 72, le fait que l'autorité paternelle était remplacée par l'autorité parentale, le fait qu'on donnait les mêmes droits aux enfants adultérins qu'aux enfants légitimes, toutes choses qui ont véritablement détruit la famille. Et la famille, elle est vraiment détruite, parce que moi j'ai souvenance, lorsque j'étais encore collégien, il y a de ça une trentaine d'années, comme le temps passe, eh bien j'ai souvenir que mes camarades, leurs parents, tous étaient mariés et il n'y avait pas ou quasiment pas de divorce. Bon, ce qui est inimaginable aujourd'hui, même en province. Et j'ai souvenir qu'une directrice de crèche à Paris, j'étais étonné qu'elle demande systématiquement le nom du père et de la mère, mais elle me disait, mais c'est parce que, en fait, entre le moment où les parents amènent les enfants quand ils ont quelques mois et jusqu'à 3 ans en général, la crèche, et bien souvent ils ne sont plus ensemble, c'est un autre concubin, un autre compagnon, et c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Bon, je vais vous couper un peu, Jérôme, oui, pour lire les quelques... Je suis très bavard, excusez-moi. Alors, il y a une auditrice, oui, ou un auditeur qui me demande de relire plus doucement l'annonce du pèlerinage, pas la du pèlerinage d'Argenteuil. Alors, c'est dimanche 6 mars. Alors, le départ est à 14h30, le départ de la procession du parking de la salle des fêtes Jean Villard, boulevard Héloïse. Et à 15h, passage devant la gare d'Argenteuil pour ceux qui viennent de Paris par Saint-Lazare. Voilà, donc dimanche 6 mars, le pèlerinage à la Sainte-Unité d'Argenteuil, 14h30 le départ du parking, et 15h le passage devant la gare d'Argenteuil. Alors quelques réactions ou questions des auditeurs. Mille bravos pour M. Bourbon pour des interventions à Rivarol. On peut contester tous les crimes contre l'humanité du communisme sans aucun problème, c'est exact. C'est exact. D'ailleurs, des gens peuvent se dire maoïstes ou staliniens encore, ils ne risquent rien. Alors que quelqu'un qui aurait des sympathies pour certains régimes de l'entre-deux-guerres en Europe, eh bien, eux risqueraient des problèmes, y compris sur le plan judiciaire. Comment peut-on aimer encore la France ? Ben comme sa maman, tout simplement. Ben, vous savez, je crois que le grand historien Jean de Viguerie a fait un essai que j'avais trouvé remarquable, même s'il avait été quelque peu controversé dans nos milieux. Je crois que Jacques Trémollet de Villers, par exemple, était tout à fait opposé, ainsi que d'autres personnalités éminentes du milieu. Mais je crois que c'est très intéressant ce que développait Jean de Viguerie dans son essai Les Deux Patries, c'est qu'il disait au fond que la guerre de 1914 a manifesté sans doute la fin de la France. Une forme de mort clinique ou d'agonie, si on est un petit peu moins sévère, de la France. Et il est vrai que sans doute que ce conflit aux causes complexes et qui... eu pour conséquence non seulement la disparition des empires centraux, notamment de la catholique Autriche-Hongrie, l'arrivée du communisme en Russie en 1917, ce qui n'est pas rien, l'essor du mouvement sioniste, dont on sait qu'il joue un rôle considérable au XXe siècle et qui continue à en jouer un rôle très important au XXIe, eh bien, qui bien sûr favorisa cette Première Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique, au détriment de l'Europe, eh bien, il est sûr que cela eut pour conséquence certainement, eh bien, Sans doute déjà le fait que la France ait perdu ses forces vives considérablement, ça, c'est la paysannerie, c'est-à-dire que la République maçonnique qui pendant 30 ans avait mené une guerre inlassable à l'Église catholique, eh bien réussit à transformer en chair à canon pendant cet interminable conflit la jeunesse rurale, paysanne, catholique. Et d'ailleurs, la République n'a pas été affaiblie par la Première Guerre mondiale, mais l'Église l'a été bien davantage, puisque lorsque l'on consulte les registres paroissiaux immédiatement après la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit d'une baisse assez brutale, y compris dans les campagnes, des mariages, des premières communions, des communions, des baptêmes, et une diminution de l'assistance à la messe le dimanche et des communions. Et il est certain que l'absurdité de ce conflit, absolument effrayant, souvent il m'arrive de penser, nous hommes du 21e siècle, dont les portières de voitures s'ouvrent à distance, qui sont climatisées l'été, chauffer l'hiver, dont les hypermarchés regorgent de denrées alimentaires et où se démultiplient les gadgets que la technique moderne ne cesse de créer, eh bien, supporterions-nous eh bien, la vie des tranchées. On peut effectivement en douter. Et donc, on ne peut avoir que beaucoup d'admiration et en même temps de compassion pour ces hommes qui avaient une volonté extraordinaire. Je crois que ce qui manque sans doute aux hommes de notre temps, c'est cette volonté qui était absolument tout à fait stupéfiante. Et parce que finalement, on ne cesse de multiplier les abdications et le recul dans tous les domaines, en partie, je pense, parce qu'il y a un manque de foi, il y a un manque de conviction. C'est-à-dire que finalement, autrefois, on avait un tel sens de l'honneur, un tel sens de la parole donnée, et de telles convictions, qu'à la limite, on préférait souffrir, voire mourir, sacrifier sa santé, sa liberté, voire sa vie, pour une cause qui nous transcendait, nous dépassait. Alors, je n'évoque pas là, puisque vous dites qu'on en parlera en deuxième heure, la Première Guerre mondiale. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, et que je vais donc donner lecture de quelques-uns quelques-unes des réactions. Nous en avons beaucoup. Alors, très vite, ça c'est une drôle de question. Avez-vous vu la vidéo qui montre l'imam de Brest buvant de l'urine de chamelle? Non, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas d'ailleurs quel intérêt ça peut présenter. Vous prétendez que Chirac est un homme de gauche. Ce propos scandaleux qui vise à faire croire que M. Chirac pourrait avoir des convictions, quelles qu'elles soient. Ce propos tombe sous le coup de la loi de la diffusion des fausses nouvelles. Mais je ne suis pas d'accord, monsieur et cher ami auditeur, c'est moi qui vais répondre, parce que j'avais écrit dans le temps, ça fait bien longtemps déjà, un texte sur les requins méduses. Et le requin méduse était Jacques Chirac dans cette comparaison animalière. Et j'avais longtemps pensé qu'il était requin pour se tailler avec ses dents, des places dans l'endernement politique, et que c'était une méduse quant aux convictions. Eh bien, pas du tout. C'est quand même Chirac qui a interdit à plusieurs reprises toute alliance avec la droite nationale, notamment en 86. Avant donc même le détail de Jean-Marie Le Pen, c'est lui qui a cassé l'élan de la politique de réunion des droites, ce qui lui a valu d'ailleurs de ne pas être élu en 88. Donc il a assez de convictions de gauche pour sacrifier une place qui est tout de même une place en or, qui est la place de président de la République. Et il a continué après en 98, et toujours dans toutes les combats, je dirais, idéologiques, il a toujours été un fidèle sectateur, je dirais, du mondialisme gauchisant et humaniste, c'est-à-dire de l'idéologie maçonne. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'est pas de... D'ailleurs, le livre d'Éric Zemmour, L'homme qui ne s'aimait pas, est assez remarquable là-dessus, d'abord très bien écrit, et il montre bien qui est Chirac. Et fondamentalement, c'est un homme de gauche. Je pense que, par exemple, quelqu'un comme Sarkozy est sans doute quelqu'un qui n'a pas de conviction. Mais je pense que Chirac en a quand même quelques-unes, pas beaucoup sans doute, mais les quelques-unes qu'il a sont extrêmement mauvaises. Et très sérieux. Alors, on a 3 minutes, 2 minutes et demie, il reste une dernière question ou deux, peut-être, mais une d'auditeur. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'État islamique ne bombarde toujours pas Israël alors qu'il fait des attentats à Paris? Alors, je cite sa conviction. La presse israélienne dit que les blessés de l'État islamique sont soignés en Israël. On n'en parle pas en France. Je n'ai pas cette information. L'avez-vous, vous? Je l'ignore. Mais effectivement, on peut effectivement s'interroger sur les motivations de l'État islamique, qui est apparu d'ailleurs assez brusquement, un peu comme Al-Qaïda à une époque. Et il ne faut pas oublier que le machiavélisme de la politique américaine et israélienne dans la région depuis déjà longtemps, qui consiste à déstabiliser toute une série d'États qui sont à proximité de l'entité sioniste. Ça a été le cas notamment de l'Irak, parce qu'il n'y a aucune raison de combattre l'Irak, surtout en 2003, puisque là, pour le coup, on sait très bien que les armes de destruction massive, maintenant c'est reconnu par tout le monde, c'était un mensonge. Mais un mensonge qui a quand même eu pour conséquence des centaines de milliers de morts, un blocus qui a affamé par centaines de milliers des enfants irakiens, qui a fait un nombre de morts absolument considérable. Mais là, il s'agit bien de crimes contre l'humanité, mais ce sont des crimes contre l'humanité qui, là, sont tout à fait permis, parce que, en fait, les crimes ne sont coupables qu'en fonction de qui lance les bombes et sur qui elles tombent. Si elles tombent sur des gens qui ne sont pas considérés comme des éléments essentiels ou intéressants, ça ne pose pas de problème. En revanche, il en va différemment pour d'autres victimes. Il y a des victimes plus égal que d'autres, en quelque sorte. Alors, vous n'avez pas avoir le temps, mais on peut en dire un mot quand même. Monsieur Bourbon, où en êtes-vous dans vos procès avec la LICRA? Je suis un fidèle lecteur de Rivarol. C'est très gentil à l'auditeur. Bah, vous savez, je suis en procès permanent, en quelque sorte. Bon, moi, je n'ai jamais fait de procès à personne. Probablement que je n'en ferai jamais. Mais moi, en l'occurrence, on m'en fait. Je crois que j'en ai subi une douzaine, je crois, ces six dernières années. Et là, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, pour mon compte Twitter, il y a un procès, je crois un deuxième, qui devrait arriver, si j'en crois, le Parti Socialiste et SOS Racisme. Mais il me paraît, en effet, et la LICRA évidemment est toujours l'instigatrice de ces procès, même si en général ça passe par le procureur de la République et par le ministère de la Justice et de l'Intérieur. On connaît les liens de concubinage, de connivence entre le gouvernement, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche, enfin de gauche ou de fausse droite, et la LICRA, toute une série d'organisations dites et prétendument antiracistes. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais là il faut qu'on s'arrête.